Zopé. J'ouvre le livre. Ouais. J'ouvre le livre. J'ouvre le livre et n'en regarde même plus ses pages. Résistante de la vie et d'un destin qui se propage. Sur la voie du fond, sur la forme d'autrui, je reste l'incompris du vivant sur un sursis. Et formuler le prix, mais pourquoi l'ai-je payé? Quand on voit ce qui s'approche et tout ce que je t'ai donné. Le chemin de l'idéal a oublié mon nom, et je l'ai pourtant crié sous toutes ses versions. Rendant grâce à mon art comme un guerrier de ce temps. Et sans freestyle j'ai renoncé sur le vraiment. Injustice quand tu me parles, regarde-moi dans les yeux. J'écris ce que je vis et non pas le rêve de tous ceux. Vivacité perdue à corrompre d'amphétamine. La tension sous perfusion d'une pleine kétamine. Et rien de tout ça ne me laisse bonne mine. L'encre coule à profusion et je reste l'anonyme. Sur la classification j'ai payé de l'ignorance. Avec précision j'ai vidé mon innocence. Je ne ressemble à personne, c'est toi qui me l'as dit. Et j'assemble métronome sur la route des non-dits. Sur la classification j'ai payé de l'ignorance. Avec précision j'ai vidé mon innocence. Je ne ressemble la personne, c'est toi qui me l'as dit. Et j'assemble métronome sur la route des non-dits. J'ouvre le livre. P2OP. J'ouvre mon cœur pour que tu ressentes mes émotions. Et sans me protéger ni écouter les opinions. Et parce que l'humain décide de vivre de ce qu'il est. Lâchant toutes mes rimes à boire comme du petit lait. C'est fait, j'en reste quelqu'un d'accompli. Malgré que l'avenir est comme un drap que l'on plie. Rangé dans le placard, odorant de naphtaline. Libérant encore toutes ces parties infimes. Et que demander de plus si ce n'est que la reconnaissance. Oublié parmi le festin de toutes ces renaissances. Maladie fait mon devoir et j'ai quitté l'école. Et pour apprendre à l'autre que l'avenir toujours s'affole. J'écris et t'écoute, le raisonnement détruit. Fatalité sur ce que je dis est la raison d'autrui. Et passe-moi le mic que je puisse encore respirer. N'ayant plus rien, ça reste ma façon d'espérer. Sur la classification, j'ai payé de l'ignorance. Avec précision, j'ai vidé mon innocence. Je ne ressemble à personne, c'est toi qui me l'as dit. Et j'assemble métronome sur la route des non-dits. Sur la classification, j'ai payé de l'ignorance. Avec précision, j'ai vidé mon innocence. Je ne ressemble à personne. C'est toi qui me l'as dit, et j'assemble métronome sur la route des non-dits. Sur la route des non-dits, je referme le livre. Ouais, P2OP.